J'écoute pas si c'est pas Cayenne. Si c'est pas Cayenne, j'écoute pas. Hola, hola, hola, on est toujours sur Radio Cayenne. On est le lundi 11 mars, il est 10h10. Et on continue. Alors, j'avais envie de vous parler de quelque chose. C'est que avec le mouvement des Gilets jaunes, on a vu se médiatiser la question des violences policières. Et c'est pas faute d'en avoir parlé et essayé d'élargir cette question-là depuis bien longtemps. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'est beaucoup médiatisé, comment dire, avec ce mouvement-là. Parce que c'est une large population qui s'est vue touchée par les violences policières ou témoin de violences policières, alors qu'elle n'y était habituellement pas confrontée, c'est-à-dire soit non militante, soit n'habitant pas dans les quartiers, constamment, quotidiennement, quadrillée de flics, avec contrôle raciste au faciès quotidien, et ainsi que brimades policières et toutes les personnes mortes que l'on connaît. Et voilà. Donc, avec cette médiatisation, il y a évidemment un partage assez énorme de photos, de blessures, de blessés, de vidéos de personnes en train d'être blessées ou de subir des violences policières sur les réseaux sociaux. Et quelque chose m'a pas mal travaillé ces derniers jours, c'était le traitement différencié par rapport au statut de certaines victimes. Alors, ce qui est assez drôle, alors déjà, c'est que quand c'est une personne qui n'est globalement pas un mec, on va dire, ah vraiment, les salauds, ils ont osé. Oui, les policiers tapent même les femmes, tapent même les vieux, même les vieilles, même les personnes handicapées. Et pourquoi est-ce qu'une personne en fauteuil qui se fait matraquer, ça choquerait plus qu'un mec blanc bien portant? Je ne sais pas. Après, effectivement, il y a quelques petites choses, quelques petites nuances que je peux apporter à mon propos en disant, bah oui, effectivement, il y a des violences à caractère raciste qui s'expriment de la part de la police, mais pourquoi tout de suite cette indignation un peu protectrice, enfin, ça me fait un peu penser à Franck Lepage dans un sketch qui parlait d'une grève d'ouvriers où, comment dire, où il y a les keufs qui arrivent et ils se mettent à taper la femme d'un, et là, tous les mecs s'activent en mode ne touchez pas à nos femmes, ce qui est vraiment complètement sexiste en fait comme réaction au final. Et pourquoi en fait, pourquoi ça choquerait plus et pourquoi ce réflexe protecteur envers des personnes qu'on estime comme plus fragiles alors que des gens qui se font taper par les keufs, ça existe depuis des dizaines d'années? Excusez-moi, je me suis un petit peu perdue dans ce que j'étais en train de dire. Mais du coup, voilà, les gens qui sont victimes de violences policières, en fait, bah, personne le mérite, en fait, peu importe que tu sois en fauteuil, que tu sois droit sur tes deux jambes, peu importe que tu sois une femme, peu importe que t'aies 80 ans ou 13 ans. Et à cela, j'ai envie d'ajouter aussi des pseudo-camarades, en fait, qui se permettent de critiquer les parents qui emmènent leurs gosses en manif quand on dit qu'un enfant a été soigné par des médics parce qu'il a été gazé ou exfiltré d'une manif parce qu'il s'est retrouvé au milieu d'une charge de la BAC. Les premiers commentaires qui fusent, ça va être « En même temps, c'est complètement irresponsable d'emmener son gosse en manif quand on sait comment ça se passe. Moi, ce que je trouve irresponsable, c'est mettre des guns dans les mains des flics. » Mais effectivement, c'est... Effectivement, ça résoudrait le problème un peu plus vite, et ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas pouvoir emmener ses enfants en manif, justement. Donc voilà, je sais pas s'il y a des gens qui veulent un peu compléter le truc ou réagir à ça. Ouais, Ghost. Moi, je veux bien dire qu'en tout cas, à mon sens, ça fait partie de l'éducation d'emmener ses mômes en manif. Bon, pas à n'importe quelle manif non plus. J'ai jamais emmené d'enfants à la manif pour tous, par exemple. Je n'y suis pas allée non plus. Hein. Mais moi, en tout cas, de la question de d'être capable de critiquer le monde qui nous entoure, d'avoir des revendications, de les exprimer, ces revendications, bah ouais, moi je pense que ça fait partie de l'éducation. Et du coup. Je trouve ça aussi irresponsable d'armer les keufs que de dire que la place des mômes c'est pas en manif en fait, et que si les gens ils trouvent ça effectivement les manifs elles sont dangereuses en ce moment, elles sont dangereuses pour tout le monde, mais que si les gens ils trouvent que c'est trop dangereux pour y emmener des mômes, bah, qui plutôt que de faire culpabiliser les parents ou de leur faire la morale, bah, peut-être ils peuvent se battre contre l'armement de la police notamment en manif et encore mieux de manière générale et contre la police aussi de manière générale. Et ouais, du coup, je vais passer le chromier à Milou. Ouais, du coup aussi, revenir sur « Ah là là, emmener ses enfants en manif, c'est pas bien », je pense que c'est aussi parce que la majorité considère que les enfants, ce sont pas des individus politiques en fait, c'est des individus qui sont pas aptes à avoir des opinions politiques, et que du coup, si les parents mènent leurs gamins en manif, entre guillemets, ils leur font dire des opinions qui sont pas les leurs. Et oui, et en fait, est-ce qu'on est obligé de considérer les enfants comme des espèces d'individus pas finis, qui sont pas capables d'avoir des opinions personnelles et de les exprimer? Bah, je sais pas en fait. Comme des espèces de réceptacles à idées des autres. Bon, après, il y a un truc à dire aussi, c'est que... enfin, pas à tout prix, évidemment, quoi. On sait comment se passent les manifs, ça peut être vachement traumatisant pour certains gosses. Enfin, notamment, puis il y a des trucs de fragilité respiratoire, tout ça, qui sont à prendre en considération, quoi. Après, je sais que là, alors je sais pas si ça se fait toujours, mais à Nantes, il y avait la dérive qui faisait aussi de la garde de gosses les samedis après-midi. Alors ça, c'est... Ça là, se fait toujours, hein. Ça se fait toujours, ok. Et c'est surtout la possibilité pour souvent les mères qui gardent les enfants de participer aussi aux manifs. Et aussi, dans le même coup, pour la mise en place de cette garderie, d'inciter très fortement les hommes cisgenres en fait à venir passer du temps avec les enfants, et que ce soit pas une tâche toujours dévolue aux meufs en fait, parce qu'il y en a un peu ras-le-bol aussi de ce poncif qu'en fait il y a plein de nanas qui peuvent pas venir en manif parce qu'elles ont la charge de s'occuper des enfants en fait, et que les darons pourraient très bien s'en occuper aussi, ou d'autres mecs pas darons d'ailleurs. D'ailleurs, faut y penser pour les manifs, pour les réunions, pour un petit peu tout, d'ailleurs. Ça peut être... Et Ghost avait un truc à ajouter, du coup ? C'était juste pour rebondir sur ce que disait Hobbs. L'idée, c'était pas de dire qu'il faut absolument emmener les mômes en manif, ou que c'est... Mais que, bien évidemment, la question d'emmener les mômes en manif, ça dépend de la manif. Des fois, on peut anticiper un peu que cette manif, elle va être plus ou moins tendue avec les keufs, et mais ça dépend aussi surtout de la question des mômes et du consentement des mômes, et que si les mômes, ils ont envie d'aller en manif, en vrai, il y a moyen de faire un bout de manif avec les mômes et de partir à un moment quand on sent que les keufs deviennent trop tendus. Ça, si effectivement les mômes sont asthmatiques, ça se discute avec les mômes que c'est peut-être pas forcément une bonne idée d'aller à cette manif là, ou l'idée en tout cas de moi, ce que je défendais, c'était pas faut absolument amener les mômes en manif, mais en tout cas le truc moralisateur votre môme il est blessé, en même temps faut pas se plaindre, fallait pas l'emmener, c'est complètement hallucinant. Et je rejoins ce que je disais Milou, en fait les mômes c'est pas des réceptacles à idées et qui prennent les idées de par exemple leurs parents. Non, les enfants c'est aussi des êtres doués d'esprit critique, pour peu qu'on leur ait permis d'exercer cet esprit critique. Ouais, et puis sachant que de toute façon, c'est eux qui pourraient faire des accusations en mode « Ah, mais vous embrigadez ces mômes, tatatitatata », déjà, de toute façon, quand tu vis avec tes parents, quand t'es entouré de gens pendant suffisamment longtemps, tu vas forcément être influencé ou pas d'ailleurs par ce qu'ils vont dire en fait, c'est une possibilité. Donc que tu les emmènes en manif plutôt que de les... ou alors que tu les emmènes, à telle expo, ou à Atlantis, ou à d'autres manifestations culturelles, en vrai, ça les influence tout autant, mais sur d'autres trucs. Et c'est l'occasion aussi, pour les minots, justement, de demander, mais pourquoi les gens y manifestent, pour quelles raisons, de poser des questions là-dessus, parce que ils sont pas cons, les mômes, non plus, quoi, faut arrêter de les prendre pour des idiots. Mais pourquoi il y a la police, et pourquoi la police fait ci, pourquoi la police fait ça. Et un enfant est totalement capable en fait d'exprimer son désaccord, de dire « Ah non, j'ai pas envie d'aller en manif parce que ça me fait peur ou parce que ça me va pas ». Et voilà, les parents sont aussi capables de demander « Est-ce que t'as envie d'aller avec moi en fait ?» J'étais gamine lors des manifestations contre Le Pen au deuxième tour en 2002, puis mon daron, il m'a demandé, en fait, si ça me disait de venir. Il m'a dit, voilà, il a bien posé le cadre, en fait, en me disant, bon, on va aller marcher, parce que moi, je trouve que c'est important, qu'est-ce que t'en penses? Oui, d'accord. Et puis, si jamais on voit que c'est un peu trop chaud, t'inquiète pas, je suis avec toi, puis on rentrera, on ira dans un café et tout, et voilà, quoi. Aucun moment, je me suis sentie en insécurité, en fait, parce que j'étais avec mon daron, qui m'expliquait comment ça allait se passer, et ce qu'on allait faire si ça se passait pas bien, ou qui jugeait que ma sécurité était pas assurée, et puis c'est tout. Et, oui, faut prendre en compte peut-être tout ce qui est difficulté respiratoire, etc. Mais au final, ça prend en compte pour toutes et tous, en fait. Parce que pour moi, c'est un argument qui est un petit peu glissant, qui peut vite être pris comme un truc assez capacitiste, dans le sens où, puisque t'es une personne fragile, il vaut mieux que t'ailles pas en manif. Si t'es en fauteuil, il vaut mieux que t'ailles pas en manif. Si tu fais de l'arthrose et que tu peux pas courir, vaut mieux pas que t'ailles en manif. Si tu fais de l'asthme, et pourtant, t'es un adulte majeur et vacciné, non, faut pas que t'ailles en manif. Enfin, à ce moment-là, tout le monde a une bonne raison de pas aller en manif, en fait. Et pour autant, quand les gens disent « je ne vais pas en manif parce que ceci », ça reste une bonne raison, en fait. Du moment que la personne l'a décidé, peu importe ce qu'elle dit, quoi. Mais c'est pas aux personnes de décider pour les autres si elles doivent être en manif ou pas. Enfin, je vois ça souvent, certains médics, en fait, qui vont systématiquement se diriger vers des personnes qu'elles estiment plus fragiles, en fait, quand il y a des charges de keuf. Alors, ça va être les personnes en fauteuil, les personnes en béquille, ça va être les personnes âgées, devine quoi, en fait, ça se trouve, elle se débrouille très très bien toute seule, en fait, et puis y a pas besoin de se ruer sur la personne en fauteuil quand il y a une charge, et de pousser son fauteuil sans rien lui demander. C'est complètement indécent, en fait, de faire ça. Ça me fait penser à une scène dans le film, une scène connue dans le film Amélie Poulain, où elle prend elle prend le bras d'un monsieur aveugle, et elle lui fait traverser tout Paris en disant « Ah, ici, assis, ici, à ça », puis elle le largue, en fait. Alors, elle le largue, bonne journée monsieur. Alors en vrai, il faut jamais faire ça avec une personne non-voyante, ça lui nique tous ses repères. En plus, elle lui a rien demandé. Et juste, elle s'en fout, elle est capable de traverser la rue sans toi, en fait. Devine quoi, il y a un truc qui s'appelle des cannes, il y a des trucs qui s'appellent Louis, en fait. T'entends si les voitures arrivent, c'est cool. Et Amélie, va te faire voir, quoi, on n'a pas besoin de toi pour promener les aveugles. Et du coup, sur ce coup de gueule, on pourra faire une fiction Amélie Poulain en manif. Poussons Amélie Poulain en manif. Attention, il va lancer sa grenade. Oui, c'est bon, on a entendu. Amélie, la relou, quoi. Du coup, est-ce qu'on passe un petit peu de musique? Ah oui, alors, c'est... Pour tout ce que les policiers ne font jamais. Et pour tout ce qu'ils ont fait quand même. Encore. Alors c'était contre la guerre en Irlande au départ. Voilà, c'est exactement ça les gars. Je suis planté. Un policier, la roulette ne finit jamais. J'ai pris ma dague et mon cran d'arrêt, et j'ai planté un policier. Frappons un coup. Frappons en deux et dispersons les méchants vainqueurs, les CRS et les gardes mobiles font les légions des imbéciles. J'ai vu mourir trop de martyrs, d'assassinat au commissariat. Y'a pas de Dieu, traite des non-lieux. Pas de justice pour la police. Hey, frappons un peu, hey, frappons en feu et dispersons les méchants maquilleux. Les CRS et les gardes vides font les méchants, les imbéciles. Pour sa couleur, ni pour son quartier, plus de Ziade, ni de Bona, éradiquons, racisme d'État, frappons un peu, frappons en deux, et dispersons. Les CRS et les gardes-volides font les missions, les imbéciles. Alors comme on est à Nantes et que la justice est un peu chaude, j'ai fait un couplet spécial anti-poursuite ici. Hein. Je puis planter un policier, et j'ai compris, et je me suis dit, ils sont armés pour protéger les grands bourgeois, ces nouveaux rois. Frappons un peu, frappons en deux. Enfin faisons la révolution. Pas de kermesse pour les syndicats, la lutte